À l'occasion du 68e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, les partis politiques, les ministères gouvernementaux, les organisations, les organismes, les personnalités de divers pays et une institution internationale ont fait parvenir des corbeilles de fleurs aux représentations coréennes. Diverses organisations politiques et sociales ont envoyé les corbeilles de fleurs qui sont déposées devant les portraits souriants et les portraits en pied des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ce sont le Parti du Peuple, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le comité de la Croix-Rouge, le président du Parlement, le premier vice-président du Sénat, le président du parti Hun Sin-pek, le ministre de l'Information, le ministre des Affaires d'État du ministère du Palais Royal du Cambodge, le ministère des Affaires étrangères, la Maison des Ouvriers, l'Association internationale du Taekwondo de l'Iran, la Société anonyme internationale à responsabilité limitée de pétrole Anzong, le comité de fonds d'énergie Zhonghua de Hong Kong et autres unités d'activité de Chine, le Front populaire des ouvriers, paysans et étudiants, l'Université Simón Bolívar, la Compagnie mondiale de transport maritime du Pérou, le gouvernement et le Parti démocrate de Guinée équatoriale, le ministre algérien des Affaires d'État, des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il.